Non. Oh oui. Ah, il a tous on les peut trucs. Choisir. C'est moi. Ah, c'est, donc, ça va beaucoup mieux tout d'un coup. Ah bah écoutez, vous voyez que j'ai bien fait de m'en préoccuper. Julie Compagnon, vous avez bu un petit peu de... Un petit peu de café, non, pour non, le de moment. De whisky, je voulais ah dire. Ah non, non, pas ce matin. un petit mardi. Moi j'ai une crème Body Sculpt pour hydrater justement. Ah bon? Et vous la mettez où? Hein, un peu partout. Mais Body Sculpt, ça n'hydrate pas. Non, comme ça. Si, c'est de la crème hydratante, ah, mais sculptante. Ah. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est là, c'est son secret beauté. Ah bah Christophe, vous avez bien un peu de crème hydratante sur les fesses. Ça me fait peur, hein. Non, j'oserais pas. Et oui, c'est ça. Je lui demande si elle a bu, elle me dit j'ai mis de la crème sur mes fesses, qui tu ne comprends pas. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Alors Denis, il faudra de la crème sur le popotin ou pas? Bah écoutez, oui, je recommande quand même de se protéger du soleil et de la chaleur aujourd'hui. Oui, on va battre des records de chaleur. On attend 31 à 32 degrés cet après-midi sur le centre du pays. Actuellement, on a des nuages qui sont présents sur l'ouest, près du littoral. Les maxima, donc 27 à 28 sur la hauteur, 31 à 32 sur le centre. Demain, ce sera encore un petit peu plus chaud avant que l'on ne parle orage, mais ce sera jeudi en soirée. Il est 8h et à la une de l'actualité ce matin, des médecins obligés de passer un contrôle psychologique chaque année. C'est l'idée d'une association de médecins flamands, mais elle ne plaît guère du côté francophone. Je vois pas très bien où on veut aller. On va déceler des médecins qui sont très gravement atteints psychiatriquement, mais ces médecins-là, ils n'exercent déjà plus. On confronte les points de vue dans une minute et puis nous nous rendrons dans un poste de garde de médecin généraliste pour en savoir plus sur le stress et les risques de surmenage auxquels il s'expose. Hillary Clinton a-t-elle la santé suffisamment solide pour être présidente? Le sujet est au centre de toutes les conversations aux États-Unis après le malaise de la candidate démocrate. Une nouvelle médaille d'or aux Jeux paralympiques de Rio pour la Belgique, c'est Florian Vanacker qui nous l'offre en tennis de table. Et puis un nouveau livre pour Éric Emmanuel Schmitt, l'histoire d'un stagiaire journaliste un peu bené qui assiste à un attentat. Le romancier belge nous en parlera. Des médecins, peut-être donc bientôt obligés d'aller chez le médecin. C'est ce que souhaite l'association de médecins généralistes flamands Domus Medica. L'idée est d'imposer aux médecins un contrôle psychologique annuel et obligatoire pour prévenir les suicides et les problèmes de santé mentale. La proposition va être soumise à la ministre de la Santé, Maggie De Bloch, mais du côté des syndicats francophones, on dénonce une aberration. Reportage de Sophie Mergen. Être malade concerne aussi les médecins. En Flandre, 5 généralistes se suicident chaque année. Pression émotionnelle, stress, lourde responsabilité, autant de facteurs qui peuvent détériorer la santé mentale des médecins. L'idée d'un contrôle psychologique obligatoire chaque année est de découvrir les problèmes à temps. Mais pour les syndicats de médecins, cette solution n'en est pas une. Paul de Munck, président du GBO, le groupement belge des omnipraticiens. Je ne vois pas très bien où on veut aller. On va déceler des médecins qui sont très gravement atteints psychiatriquement, mais ces médecins-là, ils n'exercent déjà plus. Du côté de Domus Medica, on avance pourtant que 50% des médecins flamands seraient favorables à l'initiative. Par contre, pas d'idée concrète sur la mise en œuvre des contrôles, soit une visite effective chez un médecin, soit un questionnaire psychologique à remplir informatiquement. Pour Paul de Munck du GBO, cela n'a aucun sens. Quels sont les critères pour dire qu'un médecin n'est pas capable d'exercer son art? Je crois que, encore une fois, la prévention et le dépistage d'un médecin qui éprouve des difficultés est beaucoup plus important. Même son de cloche du côté de l'APSIM et de l'Ordre des médecins. Si les représentants des médecins francophones veulent prendre le phénomène du burn-out à bras-le-corps, pas question pour autant de contrôle contraignant. L'Ordre des médecins prône plutôt la mise en place de structures d'aide psychologique comme un numéro vert. Le projet devrait être mis en place le mois prochain. Et c'est vrai qu'ils ont parfois de quoi être stressés, les médecins, particulièrement les médecins généralistes. Ils sont débordés de travail. Pour la première fois cette année, leur profession est en pénurie en Wallonie. Alors sur le terrain, depuis quelques années, certains généralistes s'organisent pour réduire la difficulté de leur métier, notamment au niveau des gardes. Baptiste Tupin s'est rendu cette nuit dans un poste de garde à Fos-la-Ville, en province de Namur. Le docteur Katuta a dormi par intermittence cette nuit. C'est lui qui a assuré la garde pour le secteur. Elle vient de se finir sur le coup de 8 heures. Ben, ma nuit a été relativement calme parce que donc, j'ai reçu ici au cabinet sur place 2 patients et je suis sorti pour 2 autres. C'est parfois bien plus animé que ça. Effectivement. On a En moyenne, je crois, une dizaine d'appels par nuit. Ce poste médical de garde existe depuis près de 3 ans. Il vise à assurer les gardes permanentes, nuit et week-end compris, pour cette zone de 100 000 habitants. Paul Forpier supervise le poste médical de garde. Au départ, donc, le cercle comportait 7 secteurs de garde, hein, avec des fréquences de garde qui pouvaient aller jusqu'à 20 à 25 nuits, 30 nuits par an. Le fait d'avoir restructuré la garde en un grand secteur a permis effectivement de diminuer ces fréquences de nuit par 10 pour certains secteurs. Il y a un double objectif, c'est rationaliser, mais c'est aussi faire en sorte que la fonction de médecin généraliste soit plus attractive. Oui, absolument. En fait, en diminuant la pénibilité des gardes, vous rendez forcément le métier un peu plus attractif pour les jeunes. Ce poste médical fait aussi appel à un chauffeur. Il n'est pas rare que le chauffeur parcourt plus de 100 km par nuit. Un accompagnateur qui permet aussi d'assurer la sécurité du médecin de garde. Reportage de Baptiste Tupin cette nuit à Fos-la-Ville. La procédure Renault continue à Caterpillar-Gosselies. La première phase consacrée à l'information du personnel va durer plusieurs mois. C'est seulement par la suite que le plan social sera négocié. Les indemnités pour le personnel licencié, éventuellement des prépensions à l'âge de 50 ou 52 ans. Une question déjà abordée hier lors de la rencontre entre le gouvernement fédéral et le gouvernement wallon, mais une question qui n'est pas encore tranchée, loin de là. Il va encore faire très chaud aujourd'hui. Pensez donc à boire beaucoup d'eau et évitez de vous exposer au soleil. On devrait dépasser les 30 degrés à Uccle, du jamais vu un 13 septembre. Le dernier record datant d'il y a 69 ans va être battu. Le plan forte chaleur est déclenché, mais on ne devrait pas atteindre de pic d'ozone. Julian King a passé son grand oral devant le Parlement européen hier soir. Julian King, c'est le candidat commissaire britannique qui doit remplacer celui qui a démissionné après le Brexit. Venir se défendre devant l'Europe quand son pays veut la quitter, c'est évidemment un peu particulier. Julian King a répondu pendant 3 heures aux questions d'une commission du Parlement européen. Des questions sur ses futures attributions, la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Sandro Calderon nous résume les moments forts. En diplomate qu'il est, Julian King a entamé son audition non pas en anglais mais en français. Mesdames, messieurs les députés, merci. Il a abordé d'initiative le sujet qui fâche, le vote sur le Brexit. Certains pourraient s'interroger à propos du fait qu'un commissaire nommé par un État membre qui a décidé de quitter l'Union européenne se voit attribuer un rôle aussi important. Mais je pense que je peux avoir une réelle valeur ajoutée. Et à plusieurs reprises au cours de l'audition, Julian King a insisté « Je ne suis pas ici pour représenter le gouvernement britannique ». Quant aux questions sur son portefeuille, la sécurité et le terrorisme, elles ne l'ont jamais déstabilisé. Mais prudent, le candidat britannique s'est engagé sobrement à poursuivre la mise en œuvre du programme sécurité de la Commission, à renforcer les outils existants comme le centre antiterrorisme d'Europol, l'Office européen de police. I want to work to make sure that... Je vais m'assurer que le financement et l'expertise soient suffisants pour assurer l'efficacité du centre et je vais encourager les États membres pour qu'ils soutiennent ces experts et apportent leur expertise. Experts share their expertise. Julian King a passé son audition sans sourciller. Jeudi, il saura si le Parlement européen, réuni en séance plénière, approuvera ou non sa candidature. Si oui, il devra ensuite attendre le feu vert des États membres avant d'entrer en fonction. En France, l'inculpation hier soir des 3 femmes soupçonnées d'avoir voulu commettre un attentat à la voiture piégée. Les 3 femmes avaient été interpellées jeudi dernier. Elles étaient recherchées depuis la découverte d'une voiture remplie de bonbonnes de gaz près de la cathédrale Notre-Dame à Paris. Les 3 femmes comptaient repasser à l'action après l'échec de l'attaque à la voiture piégée. Et puis aux États-Unis, Hillary Clinton qui se repose. Après son malaise de dimanche, la candidate démocrate à la Maison-Blanche fait une pause de 2 jours pour soigner sa pneumonie. Un malaise d'Hillary Clinton qui est dans toutes les conversations aux États-Unis. Exemple à Orlando en Floride avec Claude Guibal. Au-dessus du garage de South Orange Avenue, un grand panneau annonce la couleur. Ici, on vote Trump. You can see she's really falling down. À l'entrée, penché sur un téléphone portable, le patron et un client visionnent en boucle la vidéo du malaise d'Hillary Clinton. If she's not qualified, si elle n'est pas physiquement apte, alors pourquoi voterait-on pour elle? Je veux dire, vous élisez quelqu'un et il meurt subitement alors qu'il vient de prendre ses fonctions. Il faut qu'elle se retire. Nous, on a des affaires à faire tourner, on a des petits-enfants. Il faut qu'on garde l'Amérique forte. L'effet est désastreux. Lee Shannon est lui aussi commerçant à Orlando, mais supporter d'Hillary Clinton. Et l'inquiétude est là. Je me suis dit, merde, c'est pas le moment d'attraper une pneumonie. Mais bon, ça se soigne, elle reste chez elle au repos pendant 3 ou 4 jours et ça devrait aller. Mais déjà, on entend toutes les théories du complot, qu'elle utilise un sosie. Franchement, c'est une année électorale vraiment moche, horrible. Je crains qu'il y ait une très grosse abstention, parce que les gens, ils en ont marre de tout ça. Moi, je veux même plus allumer la télévision. Lee Shannon en est persuadé, les bases de Trump et Clinton sont solides, et ce sont les indécis qui feront pencher la balance. Et l'état de santé d'Hillary Clinton pourrait peser lourd. Un reportage de Claude Guibal et Nicolas Mathias de France Info à Orlando, aux États-Unis. Le cessez-le-feu est entré en vigueur hier soir en Syrie. Une trêve négociée par Moscou et Washington. Les armes se sont tues. Le cessez-le-feu est globalement respecté. Le régime syrien gèle ses opérations militaires pour 7 jours. On verra si l'accord est respecté durant toute cette période. C'est sans doute la dernière chance de sauver la Syrie, a déclaré le secrétaire d'État américain John Kerry. Il est 8h10, c'est le 8-9 Sport, avec une troisième médaille belge aux Jeux Paralympiques. Et elle vient encore une fois du tennis de table. Florian Vanacker a décroché l'or dans le tournoi réservé aux joueurs atteints d'un handicap intellectuel, Jérôme Elguers. Et Florian Vanacker est passé par toutes les émotions pour décrocher cette médaille. À 19 ans, il est numéro 1 de la discipline, mais il a gagné cette finale en 5-7 difficile face à un Australien, 6e mondial. On écoute Florian Vanacker. J'ai très mal joué. En fait, je ne parvenais pas à jouer comme je le voulais. Et c'était juste à cause du stress de cette finale. Je pense que je n'ai jamais eu autant de stress dans ma vie. Est-ce que je suis un héros maintenant? Je ne sais pas. Cette médaille d'or est fantastique. Donc oui, si vous voulez, je suis un héros. Au final, j'ai bien presté, j'ai décroché l'or et je suis très content. Maintenant, comment je vais fêter ça? C'est une bonne question. Mon coach m'avait dit, si tu décroches la médaille d'or, tu pourras te faire plaisir au McDonald's. Interview de nos confrères de la VRT, c'est donc la troisième médaille belge dans ces Jeux Paralympiques. Oui, et la quatrième médaille pourrait peut-être venir du tennis en fauteuil avec Joachim Gérard. Oui, il s'est qualifié hier soir pour les quarts de finale, victoire 6-0, 6-0. Mais Joachim Gérard n'est pas encore pleinement satisfait de son jeu. Il le sait, pour décrocher une médaille, il doit être plus perfectionniste. On sait que demain, ça sera un autre match. Ici, voilà, c'est un joueur avec pas beaucoup de points forts. Et j'ai surtout fait des fautes en deuxième set que je dois pas faire, ou alors me faire remonter des jeux alors que je mène 0-40 ou que je dois clôturer tout de suite. Et on sait que ça, demain, ça passera pas, donc il va falloir corriger le tir. J'ai déjà corrigé certaines choses tout en étant un peu stressé. Donc maintenant, il faut encore travailler et demain, faire le maximum. Interview de Manu de Bièvre. Joachim Gérard jouera son quart de finale tout à l'heure à 17h. Son adversaire sera redoutable, le japonais Shingo Kunieda, champion paralympique en 2008 et 2012, du costaud donc. Merci Jérôme. En football, Romelu Lukaku a fait fort hier soir. Everton s'est imposé 0-3 à Sunderland et Lukaku a inscrit les 3 buts de son équipe. 3 buts en 11 minutes et en seconde période. C'est donc le hat-trick parfait. Le hat-trick, c'est quand on inscrit 3 buts d'affilée en une seule mi-temps. Lukaku n'avait plus marqué en championnat anglais depuis le mois de mars. Il est évidemment soulagé. On l'aurait bien écouté, mais je ne sais pas si on l'a dans la machine, Lukaku. On l'a ou on ne l'a pas? Eh ben, on l'écoutera une prochaine fois, Christophe. Bon, bah, écoute, tant pis pour lui, tant pis pour nous surtout. Ouais, un manque de sport. Back in business now, I think physically. Je suis de retour aux affaires, hein, vraiment, physiquement aussi. Je l'avais dit, j'avais besoin d'un peu de temps et maintenant je suis content de retrouver le chemin des filets. Je suis de retour et je veux juste aider mes équipiers du mieux possible pour atteindre nos objectifs. Lukaku interrogé par la chaîne officielle du club d'Everton. Ce soir, la Ligue des Champions avec les premiers matchs de poule. L'affiche de la soirée oppose le PSG à Arsenal. Le club de Bruges jouera contre Leicester demain soir. Et puis on termine par une idée de lecture, c'est le nouveau roman d'Éric Emmanuel Schmitt. L'homme qui voyait à travers les visages. C'est l'histoire d'Augustin, un jeune stagiaire journaliste qui a assisté à un attentat terroriste et qui va devoir écrire plusieurs sujets pour le journal qu'il emploie. Alors que tout le monde le trouve un peu godiche, Augustin, et pourtant il a un don extraordinaire. Il voit les souvenirs ou les êtres qui hantent son interlocuteur. Éric Emmanuel Schmitt nous en dit plus sur son personnage. Augustin est comme un innocent ou un candide, qui sont, moi, des valeurs que j'aime beaucoup. On n'a pas toujours l'air malin quand on est candide dans notre univers qui est très cynique. Donc, il passe pour un crétin.

Un enfant difficile a toujours quelque chose à nous dire. Explorez le webdoc sur iapaca.be. Avec le soutien de la région Wallonne et de la COCOF. Bon, voici de quoi chauffer Julie Compagnon qui a froid ce matin. Oui. Qu'est-ce qu'on fait dans l'actu musicale tout à l'heure? Alors, des artistes que j'adore, mais tous dans un style différent. On aura Olivia Ruiz, Véronique Sanson et Lady Gaga. Une petite actu. Ah, c'est très difficile de sentir quel est votre genre d'homme avec ça. Hein, parce que moi je les aime blondes avec une forte poitrine. Les hommes, voilà. bien sûr. Tout à l'heure, venez jouer au Kikadi. On pourra parler mec, fille, nana, tout ce que vous voulez. Kikadi, inscrivez-vous au 3063 SMS. Vous indiquez votre nom, votre prénom, vos coordonnées complètes. Le message doit absolument démarrer par « Je veux jouer ». C'est comme ça que Pascal vous sélectionne et vous rappelle tout à l'heure. Cadeau à la clé, mot à imposer à Jean-Luc Fong pour le live et vous pouvez y aller costaud. 8h24, le Zap Télé avec télépro.be. Sarah, il est temps de débriefer la toute première hier de Yann Barthès qui a donc une nouvelle émission de télé. C'est l'air après Canal+. C'était le mercato de l'été. Hein. Il a quitté Canal+, avec toute son équipe d'ailleurs. Et on le sent pour TMC filiale de TF1. Donc il a fait sa rentrée hier avec Quotidien. C'est le nom de sa nouvelle émission. Alors on garde les mêmes éléments. Hein. Ça cartonne d'ailleurs. La presse est unanime. Sur Twitter aussi, il a le soutien de nombreuses personnalités. Alors on a du rythme, on a l'humour à la Barthès. Il est toujours assis sur un plateau télé. Il y a un public qui est là de bonne humeur. Il y a toujours des séquences rythmées, décalées, gentiment moqueuses. Mmh. Les reportages et les séquences. Le petit bémol, c'est que ça dure une heure, donc on est deux fois plus de temps que le petit journal sur Canal+. Et TF1 a repris une petite partie à 20h40 après son JT, histoire de bien rentabiliser la chose. Qui a regardé sur TF1 hier, Jérôme? Vous non, avez vu ou pas regardé. Non. J'ai pas vu, mais apparemment, il a repris toute son équipe, Martin Veil, enfin, toutes les personnes sauf qui bossaient. Sauf Catherine et Liliane, malheureusement. Ouais. Les pauvres, elles sont restées. Ah non, elles étaient bonnes, les deux secrétaires un peu pestes. Il a regardé surtout son carnet d'adresse parce que sa marraine, pour la première émission, Vanessa Paradis quand même, ils ont fait un petit sketch avec un numéro de portable, etc., où elle donne plusieurs fois son numéro de portable. Il démarre avec Taubira qu'on n'avait plus vu à la télé depuis des mois et des mois, du lourd donc. Il a même une petite phrase avec François Hollande, avec le micro quotidien, Valérie Lemercier qui est là pour parler de son bouquin. Bref, c'est du lourd, c'est unanime, il a pas mal de bonne presse et aussi de messages, de tweetos par rapport à ses collègues, hein, Sandrine Quétier qui fait partie de TF1, bravo, c'est super. On a Cartman aussi, Valérie Damido. Bref, c'est unanime, mais une heure. Est-ce que c'est pas trop long finalement pour du Yann Barthès? Alors, je fais en attendant le top 3 des mecs dont on va le plus parler jusqu'à Noël, jusqu'à l'overdose. Donc en 1, Yann Barthès. En 2, Cyril Hanouna, dont on va parler à mon avis tous les 3 jours encore. Bah si, vous voyez bien. Et justement, c'est bien. Intelligent parce que sur TMC, il est en face d'Hanouna, justement. Ouais, et moi, je dis que dans quelques semaines, ça va arriver sur TF1. Il teste sur TMC le produit, le programme. Ouais. Et une séquence sympa aussi dans l'émission, c'est que c'est une téléspectatrice qui fait la météo. Tous les jours, ce sera une téléspectatrice différente. Et j'ai vu la séquence et ça a l'air... C'est pas bidon, en fait, parce qu'elle est un peu paumée. Bah alors, dans la bataille de l'audience, qui va gagner? Yann Barthès ou Cyril Hanouna? Qui va remporter la bataille de l'audience, Jérôme? Moi, j'espère que ce sera Yann Barthès, évidemment, parce que Cyril Hanouna, ça ne repose quand même sur pas grand-chose. Vous êtes sévère. Non, je suis sévère, c'est sûr. Alors, à ce train-là, il n'y a pas de contenu dans les anges de la télé-réalité. Et alors, là, alors, vous venez de me mettre le nez exactement là où je voulais que vous me le mettiez. C'est pas vrai. On y apprend les relations humaines. Mais vous avez raison, c'est un rôle sociétal. Eh ben voilà, donc j'attends vos excuses dans quelques Elles instants. Elles seront imprimées. Je demande un break. Exiger un parquet de qualité qui respecte l'environnement, c'est bien. Mais si en plus il est traité afin que vos enfants puissent jouer dessus sans subir d'émanations nocives, c'est encore mieux. Pour vous, pour votre santé, pour le respect de la planète, optez pour les parquets du monde. Les parquets du monde à Etterbeek. À découvrir en avant-première chez CGO Center, la nouvelle Seat ATK. Porte ouverte du 15 au 24 septembre avec des super promos sur tous nos véhicules de stock. CGO Center, avenue Louis de Brouckère, 34-36. Chez Vandenborre, ils ne disent pas seulement qu'ils adaptent leurs prix. Ils le font. Ils suivent systématiquement les prix des autres magasins. Et adaptent leurs propres prix. Pour être toujours les moins chers. Et ils sont tellement sûrs de leur coût. Qu'ils remboursent la différence si vous trouvez le même produit moins cher dans un autre magasin. Regardez sur vandenborre.be, vous y verrez chaque jour le nombre de prix adaptés. Les prix les plus bas, tout le monde peut le dire. Mais Vandenborre le fait. TV, multimédia, électro. Vandenborre, la confiance. Kamazutra, le son neuf. Investir dans une chaudière au mazout super économe, c'est profiter d'un rendement encore meilleur. Plus d'infos sur informazout.be. Le 13 septembre est la journée internationale du testament pour les bonnes causes. Transmettez aussi votre générosité. Ajoutez une bonne cause dans votre testament et réduisez les droits de succession de vos héritiers. Infos et guides gratuits sur testament.be avec le support de la Loterie Nationale. Mais ma chérie, je ne peux pas demander conseil à Abiome pour la couleur du nouveau canapé. Et pourquoi pas, ils ont les meilleurs conseillers, tu sais. Seulement pour les portes, les fenêtres et les vérandas, chérie. Et pas pour les canapés. Non. Abiome, depuis 38 ans, les meilleurs spécialistes. Mais seulement pour vos châssis. Abiome, fenêtres, portes, vérandas. Renseignez-vous sur abiome.be. Cette semaine dans Moustique, dossier spécial Caterpillar. Check-up économique de nos régions. Sont-elles condamnées ou en croissance? Les aides et cadeaux fiscaux aux entreprises. Le vrai et le faux. L'actu décodé, le meilleur de la culture, des tendances et de la télé, c'est dans Moustique, les dos qui piquent. Abonnez-vous maintenant et profitez de notre offre spéciale. Un an pour 79€ seulement sur moustique.be/rentrée. Michel emmène François faire un tour à bord de sa toute nouvelle Seat Ateca. François n'en croit pas ses yeux. Et ça, c'est quoi ça? C'est le chargeur mobile sans fil. Ah, et ce truc-là, là, c'est l'écran de la caméra top view. Ah, bah oui, oui. Bah oui. Excité par la richesse de l'équipement du Seat Ateca, François n'arrête plus. Et ce bouton, il sert à quoi? Bah, activer le frein à main électrique. Et celui-là, là, c'est... Bah, ça, c'est mon bouton de manchette. Sans ce bouton de manchette. Ah, bah, bien sûr, évidemment. Nouvelle Seat Ateca avec freinage automatique d'urgence. Le SUV le plus équipé du marché à partir de 19 990€. Découvrez-la lors de nos portes ouvertes du 14 au 24 septembre. Seat. Et vous nous rappelez, Christophe, l'actualité de ce mardi. Une nouvelle médaille d'or pour la Belgique aux Jeux Paralympiques de Rio. C'est Florian Van Acker qui l'a décroché en tennis de table. Troisième médaille déjà pour la Belgique et la deuxième en or. Une association de médecins flamande veut imposer un contrôle psychologique annuel obligatoire pour les médecins. Le but, éviter les burn-out ou les suicides. C'est vrai que la profession est très stressante, mais le contrôle est un peu exagéré au goût des médecins francophones. La santé d'Hillary Clinton, aussi dans l'actualité depuis le malaise de la candidate démocrate, les Américains se demandent si elle est vraiment apte pour devenir présidente. Et puis buvez beaucoup d'eau. Aujourd'hui, il va encore faire très chaud. Évitez de vous exposer trop longtemps au soleil, Benjamin. Oui, 27 degrés en Haute-Fagne, 32 degrés dans les autres régions du pays. Attention, Christophe, à cette phrase qui pourrait bouleverser vos certitudes. Je m'accroche. L'instabilité de la masse d'air pourra provoquer l'un ou l'autre orage de chaleur isolée. Ouf. Cette phrase bouscule vos certitudes. Il est 8h30. S'informe en région. Bonjour Bruno Schmitt. Bonjour Benjamin, bonjour à toutes et tous. C'est un cri d'alarme lancé par des policiers. Le service de la police des chemins de fer ne serait plus en mesure d'assurer ses missions de manière optimale. Ces missions, elles consistent notamment à sécuriser les stations de métro et les gares. Or, ces derniers mois, pas mal de membres de cette police ont été déviés en renfort vers d'autres unités. Et les syndicats tirent donc la sonnette d'alarme, Roland Brunel. Au sein de la police des chemins de fer, il y a des membres de la direction qui ont changé d'affectation. Il y a aussi du personnel qui, après les attentats, a dû bien sûr renforcer d'autres unités. Muriel Di Martinelli, de la CGSP Police. On déforce notre police des chemins de fer, qui est quand même une police prioritaire dans le cadre des attentats terroristes et qui, évidemment, a suivi des formations tout à fait spécifiques. Maintenant, on les déplace, on les met dans le cadre du plan canal pour renforcer les zones de la police ouest. Il va de soi que si on déforce d'un côté pour renforcer de l'autre et quand on n'en a plus besoin, ces agents sont renvoyés vers la police des chemins de fer, c'est certainement pas une solution pour nous et nous réclamons du personnel en plus pour venir renforcer les agents, évidemment, dans le cadre du plan canal. Alors cela signifie-t-il que dans les stations de métro et dans les gares, la qualité de la surveillance serait aujourd'hui moindre? Frédéric Fortunato, du syndicat de police SNPS. Alors je pense que les surveillances se font, mais est-ce qu'elles se font dans de bonnes qualités? Je pense que la sécurité reste quand même la chose primordiale qu'ils ne vont absolument pas laisser tomber, mais c'est au détriment d'autres choses, certainement. En interne, en tout cas, des réunions se tiendront ces jours-ci. Et toujours beaucoup de questions ce matin après le gros couac hier pour l'abattage rituel des moutons à Bruxelles. Le nouveau site d'abattage unique mis en place a connu des ratés, c'est peu de le dire. De nombreuses familles musulmanes n'avaient toujours pas reçu le mouton commandé en début de soirée. La région a promis qu'elle allait mettre les choses au point avec le prestataire privé qui a failli. Un prestataire qui devra rendre des comptes aux politiques mais aussi aux familles, promet encore la région. Et l'une des communes concernées par ce couac hier, c'est Bruxelles-Ville. Le bourgmestre PS Yvan Clément Mayer ne sera sans doute pas tendre sur le sujet. Il s'exprimera dans l'invité de BX ce midi. Rendez-vous donc en télé vers 12h45. Et justement, la ville de Bruxelles est au cœur d'une question. Qui exploitera le Cirque Royal dans les années à venir? La ville est propriétaire de cette salle de concert et elle a cassé la convention qui l'a liée au Botanique il y a quelques mois. Une ville qui n'a jamais caché qu'elle souhaiterait reprendre la gestion de la salle à son compte. Mais elle est tout de même tenue de passer par un appel à projet. Deux candidats se sont déclarés. La ville de Bruxelles, donc, via son ASBL Brussels Expo, et le Botanique, qui reviendrait en partenariat avec la société privée Sport Palace. Ça, c'est le côté officiel. Sauf qu'en coulisses, les jeux semblent jouer d'avance, Pierre Vandenbulcke. C'est le collège qui va trancher dans le courant du mois d'octobre, collège dans lequel siège Philippe Claus, échevin du tourisme, mais aussi président de la SBL Brussels Expo. Cet appel à projet n'est-il alors qu'une mascarade? C'est ce que je crains. Joël Milquet, conseiller communal CDH dans l'opposition à Bruxelles, déplore l'attitude de la ville sur ce dossier. Il y a une sorte de confusion des rôles où le pouvoir public, et notamment la ville de Bruxelles, s'impose comme acteur public principal, un peu monopolistique en matière d'offres culturelles, et c'est pas son job. Face aux ambitions de la ville, Paul-Henri Waters, le directeur artistique du Botanique, n'est pas dupe non plus sur les chances de voir son projet passer la rampe. On a évidemment des craintes qui sont relayées par certaines personnes, que ce serait déjà plié, mais nous, il nous plaît de croire quand même que la ville gérera ça avec la distance qu'il faut et avec l'objectivité dont elle a besoin aussi pour se développer de manière intéressante. Partenaire du Botanique pour ce projet, la société Sport Palace est prête à investir 3 millions d'euros dans la rénovation de la salle. Pour son administrateur général, Jan Van Esbroek, la ville ne pourra en tout cas pas balayer cette candidature d'un revers de la main. Je crois qu'on a tout ce qu'il faut, avec une expertise et une expérience qui est absolument plus forte que celle de Brussels Expo. On reçoit plus de 2,5 millions de spectateurs dans toutes nos salles. Donc là, il y a une expérience qui est la meilleure qu'on puisse offrir à Bruxelles. La ville, pas plus que Brussels Expo, n'ont souhaité répondre à nos questions car la procédure d'attribution n'est pas terminée. Et on termine à Jette avec une image qui pourrait vous surprendre. Le rond-point depuis hier, le rond-point du Pannenhuis à deux pas du cimetière de Jette, a changé d'aspect. Il s'est transformé en jardin temporaire. À la place de l'asphalte, de l'herbe, des tables de pique-nique et des transats, 300 mètres carrés de verdure avec lesquels la commune veut démontrer qu'il est possible de réserver plus de place aux piétons sans toucher à l'accessibilité des autos. Sur place ce matin, Myriam Ball a rencontré une petite fille et sa maman, une mère ravie parce que jusqu'à présent, les enfants étaient contraints de jouer sur un coin de trottoir. Voilà, sur le coin du trottoir, ce qui est un peu dangereux quoi, parce qu'il y a des voitures quand même qui passent. Et là, on est quand même contente et les enfants aussi surtout sont très très contentes quoi, parce que pour eux, c'est comme s'ils se retrouvent en fait. Et pour nous, c'est aussi bien, on peut descendre prendre un café, se reposer. Et puis, c'est bien parce qu'on peut discuter aussi avec des voisins, certains voisins qu'on n'a pas d'affinité, on ne se parle pas peut-être, on ne se dit même pas bonjour. Et bien, c'est le moment aussi pour se connaître aussi. Qu'est-ce que tu préfères sur cette place maintenant, si tu pouvais choisir une chose? La pelouse. Du verre. Ouais. Parce qu'au moins, on peut se poser par terre. Même s'il n'y avait pas les bancs ou les transats, on peut se poser par terre, on peut prendre une petite couverture, on peut prendre sa tasse de café à côté ou quelque chose à manger. Et voilà. Et ce rond-point verdurisé de Jette, c'est un aménagement temporaire qui a été mis en place dans le cadre de la semaine de la mobilité qui est donc en test. Et pour retrouver ces infos en images également et en plus long, en texte, rendez-vous sur notre site internet www.rtbf.be/info. Vous cliquez sur l'onglet Bruxelles et vous aurez tout cela en long, en large et en images. Rendez-vous également sur le site Vivre Ici. Et pour nous réécouter, là c'est sur le site Ovio que cela se passe. Benjamin Maréchal et ses chroniqueurs reviennent pour le 8-9. Je vous souhaite déjà une belle journée. À 9h, c'est vous qui le dites, et trois débats sur la table. D'abord, samedi à Wans, un agriculteur a pulvérisé son pesticide pendant une heure, juste à côté du terrain de foot où jouaient les jeunes. Cet homme est-il un inconscient ou il a juste fait son job? Le gouvernement doit-il accepter les prépensions à 50 ans pour les employés de Caterpillar? Pour l'instant, il refuse. 50 ans, vous dites oui, ou c'est trop jeune, 50 ans? Et puis toute la Flandre se demande ce qu'est une jupe trop courte. Une école de Zdenzolder vient de renvoyer 50 jeunes filles qui ne respectaient pas le règlement. C'est quoi une jupe trop courte? Zoé Boss, le standard est ouvert. Et que vous soyez en jupe ou en pantalon, le numéro reste le même, le 070-233-466. Vous êtes à l'école, vous ne savez pas nous appeler, envoyez-nous un SMS au 3063 50 cents par message. Pour retrouver les trois sujets de C'est vous qui le dites, c'est facile, vous allez sur la page Facebook de l'émission. Comment ça roule à 8h37? On demande à Serge, notre motard Europe Assistance, il paraît qu'il y aura un véhicule en panne. Mais je dis pareil aussi puisque je ne suis pas encore allé, c'est dans le tunnel Arlois direction midi. Alors il y a de l'autre côté de la petite ceinture, dans le tunnel Port de Halle, à la sortie vers la basilique, on avait en tout cas tout à l'heure un petit accrochage. Quand je suis passé, je n'ai même pas vu une seule griffe. Donc je vous rappelle d'ailleurs que quand on a un accrochage comme ça, il faut essayer de dégager un maximum la chaussée. Sur le ring, rien de spécial à signaler à part les fils habituels. Et sur les autoroutes, pas mal de monde sur la plupart des autoroutes comme tous les jours. Sur la E40 par exemple, venant de Liège, vous avez du fil jusqu'à Sterrebeek. Et puis ça repart un petit peu et ça recoince de nouveau pour arriver à Reyers. Merci beaucoup Serge. Prudence sur la moto, on vous retrouvera tout à l'heure dans l'aller-retour bruxellois à partir de 15h. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 45. Ce dimanche sur Vivacité, c'était encore une fois complètement foot. Pour réécouter les meilleurs moments du premier talk show radio du foot en Belgique, rendez-vous sur vivacité.be. Je veux être surpris. Je veux le meilleur et l'unique. Je recherche les défis, la singularité, la découverte. Et j'ai trouvé ma voiture, celle qui fait la différence. Comme moi, partez à la découverte du monde de l'excellence Infiniti, chez Infiniti Brussels, 321 Chaussée de Louvain, à 1932 Woluwe Zaventem. Drive different. Be Infiniti. Jaguar présente le Art of Performance Tour, du 12 au 24 septembre. Réveillez vos sens avec un essai inoubliable. Installez-vous dans une Jaguar XE et laissez-vous surprendre par son confort, ses hautes performances et sa faible consommation. Temporairement à partir de 299€ par mois en leasing, 3 ans d'entretien inclus. Réservez vite votre essai inoubliable chez votre concessionnaire Jaguar ou sur jaguar.be. Jaguar, the art of performance. Sprite. Du pur rafraîchissement et puis c'est tout. Sprite, born to refresh. Bientôt temps de choisir ma nouvelle voiture. J'ai vraiment envie d'autre chose. Profiter des dernières technologies. Ce pilot assist de série dans la nouvelle Volvo S90 par exemple. Il adapte automatiquement ma vitesse au véhicule qui précède et m'aide à rester bien au milieu de ma bande. La sécurité, ça compte pour moi. Et le design, pur, parfait. La nouvelle Volvo S90. Essayez-la durant les journées découvertes. Jusqu'au 17 septembre, chez votre distributeur Volvo. Il reste une place à la table, c'est comme à Noël, on a laissé une place pour quelqu'un qui passe, sauf qu'ici c'est pour le Kikadi. Inscrivez-vous dès maintenant au 3063 SMS, vous indiquez je veux jouer, nom, prénom, coordonnées complètes. Il y a un jeu, il y a un cadeau à la clé, un mot imposé à Jean-Luc Fonck. 3063, la place est libre, venez. Il est 8h40 et c'est donc officiellement le début de cette nouvelle saison du 8-9. Vous savez que l'an dernier, les embouteillages fous de ce pays nous ont privés des plus grands. Eh bien les embouteillages nous ont encore volé une femme qui s'appelle Chimène Badi. Play. Fais play sur Chimène Badi. Cirque Royal le 18 octobre. Vous êtes où dans les embouteillages, Chimène? Ouais, je suis où dans les embouteillages? Bonjour d'abord, bonjour à tous. Bonjour. Il y a quoi autour de vous qu'on puisse vous dire où vous êtes et vous orienter? Il y a quoi autour de vous? Je vais demander au chauffeur. On est où exactement, monsieur le chauffeur? On est devant le bâtiment. On est devant le bâtiment. On est à quelques minutes, en fait. Ah, c'est rageant. Voilà. On est plus très loin. On lutte. Oui, c'est rageant, ouais. Il y a un nœud, il y a un nœud. Alors que je voulais vous demander un avis, Chimène Badi, sur l'actualité. Vous verrez ça sur vivacité.be en regardant la revue de presse du 8-9. C'est dans 7 sur 7. Elle l'appelle par le prénom de son ex au lit et il l'éventre. C'est l'histoire d'une femme qui se trompe de prénom en faisant un câlin. Et donc, le monsieur fâché a éventré la belle. Est-ce que ça, c'est une vraie info qui est dans la revue de presse de ce matin? Oui. Une vraie info, c'est vrai? C'est une vraie info. C'est le 8-9, Chimène Badi. Est-ce que une femme qui se trompe de prénom, qu'en pensez, Chimène? Bah, je trouve ça terrible, surtout si ça se termine comme ça. Ah bah ça, oui. ça tu penses, je vous remets officiellement, Sarah de Padua, cet article majeur dans la presse du jour. Alors, Cirque Royal, le 18 octobre prochain, notamment pour présenter l'album Au-delà des mots. Je rappelle que sur Elvi, il y a une intro de fou, souvenez-vous de cette intro. C'est Pierre et le loup, vous avez reconnu l'instrument de musique. C'est le violoncelle. Qu'est-ce qui s'est passé depuis The Voice Belgique? Vous étiez coach l'an dernier. Vous avez encore des nouvelles des autres coachs? J'ai eu des nouvelles des autres coachs. J'ai eu aussi des nouvelles de certains de mes talents avec qui j'ai gardé contact, notamment Antoine, que j'aime beaucoup, avec qui j'avais un pour qui j'avais eu un réel coup de cœur. Voilà, et puis ensuite, la vie continue, la vie d'artiste slow continue. Donc, j'ai intégré la troupe de Cats, en fait. Ah oui, c'est un truc incroyable. Donc, vous jouez le rôle de Grisabella, donc c'est cette vieille chatte qui souffre car elle est rejetée par la communauté des chats. Et alors, on vous voit partout, puisque vous avez joué ça à Paris, on voit partout grimée en chat. C'était comment cette expérience ? C'était une super belle expérience, c'était une belle aventure, c'était assez unique et hors du commun parce que évoluer en troupe, c'est déjà tellement différent d'être seul sur scène. Et puis les décors, les costumes, jouer la comédie, c'était vraiment une aventure formidable qui m'a énormément appris sur moi. J'ai beaucoup beaucoup aimé. Puis chaque soir, comme je le dis souvent, c'était pour moi comme une première à chaque fois, et j'ai pris énormément de plaisir. Si c'était à refaire, je le referais. Vous savez chanter en chat, donc faire toute une chanson en miaou miaou miaou, vous savez faire ça, Julie? Je suis pas sûre que ça rende de la même manière. Je suis pas sûre. Vous savez faire d'un truc en miaou, Julie, vous? Miaou miaou miaou miaou miaou miaou miaou. J'ai pas reconnu, c'est quoi? Elle a de la voix. Comme ça fait chanson. C'était une invention, c'était sympa. Ah ok, vous savez faire? Oui, c'était sympa. Viens voir les comédiens de Charles Aznavour en miaou. C'est qu'au droit. Vous savez faire ça, Sarah? Viens voir les comédiens en miaou. On ne voit pas ça. Non, ça on ne voit pas. Chimène Badi, Alexandrie, oui. Alexandra en miaou. On ne voit pas ça en deux. Là, tout de suite dans la voiture, Alexandrie, Alexandra en miaou, on va éviter. Ah bon, alors tant pis. Le 18 octobre au Cirque Royal, est-ce que vous ferez les anciens tubes? On aurait pu en épingler 5500. Il y en a un qu'on réécoute ce matin, c'est Retombé amoureux. Vous allez refaire les anciens tubes ou vous êtes de ceux et de celles qui disent « il y a certaines chansons que je ne fais plus ». Il y a des anciens tubes qui feront partie du tour de chant, et puis il y en a d'autres pas, parce qu'à un moment donné, il faut aussi faire un choix. Je suis quand même à mon 6e album, donc c'est difficile de chanter toutes les chansons du début jusqu'aujourd'hui. Donc j'ai fait une setlist, j'ai préparé un spectacle dans lequel on va pouvoir voir le long de ma carrière, en fait. On va passer par des moments de mes débuts, et puis on va aussi s'amuser avec le nouvel album, bien sûr. Laquelle vous faites plus? Il y en a une que vous faites plus, ou c'est Blacklist total ou pas? Non, c'est des choix, en fait. C'est aussi des choix par rapport à l'univers qu'on veut donner au spectacle. Donc il faut faire en sorte que les titres que j'ai fait aujourd'hui soient en accord avec les titres que j'ai pu faire au départ. Donc c'est musicalement, on va chercher des titres qu'on peut réarranger, qui peuvent être aujourd'hui cohérents avec ce que j'ai fait sur l'album Au-delà des mots, par exemple. Ah ben sur l'album, il y a une chanson, c'est le total hasard, qui s'appelle L'usine. L'histoire donc de ce travailleur licencié, ça évoque évidemment Caterpillar en ce moment. L'usine, c'était ça. Mais ça fait combien d'années passées d'après vous au nom de quelqu'un qui vous sert la corde au cou? Combien? Oh, Chimène, avant de vous laisser, puisque malheureusement la route vous a volé à nous, vous reviendrez dans The Voice Belgique où l'agenda ne le permet plus? Cette année, l'agenda ne me le permet pas. En tout cas, il y a beaucoup de projets, notamment mon futur album, plus un autre projet dont je ne peux pas parler parce que c'est encore trop tôt. C'est quoi? Jamais dire ça. Je viens de te le dire. Avec la voiture, je n'ai pas entendu. Ah non, mais un peu, tunnel. Personne n'écoute. Un indice. C'est un film? Non, je ne peux pas. Mais non, ce n'est pas un film. Ça reste un projet musical. Ouais. Parce que j'ai envie d'être sur scène, j'ai envie de chanter, j'ai envie de vraiment profiter de tout ça aujourd'hui. Donc, pour le moment, The Voice, ça va être difficile. Ouais. C'est des reprises de Claude François? C'est les reprises de Claude François? Non, c'est pas des... Très à la mode. Une comédie musicale, quand même, non? Ah ouais, peut-être. Non, c'est pas non plus une comédie musicale, mais vous n'en saurez pas plus. Une marque de vêtements? Ah ouais, c'est ça. Mais non, ouais, c'est pas sur scène, ça, c'est pas musical. Ah bah si, il faut les présenter. Des vêtements musicaux. Des vêtements musicaux, il y a bien des cartes musicales d'anniversaire. Quand tu les ouvres, ça fait Happy Birthday. Chimène Badi, rendez-vous le 18 octobre au Cirque Royal, et n'oubliez jamais ce conseil: dans ce pays, les embouteillages sont fous. Salut Chimène, à bientôt. Merci, merci beaucoup, à bientôt. Ciao, merci beaucoup. Ciao. Alors, je prends officiellement le cahier du 8-9 et je mets une petite croix, première de l'année. On va essayer de battre le record de la saison dernière. Bon, ça va être difficile. Ça va être difficile, ouais, ça va être difficile. Bon, dans un instant, qui a dit? Pearl Opticien coupe les prix en deux. 50% de réduction sur toutes les lunettes, verre basique inclus. Ça vous la coupe, hein? Conditions sur pearl.be. Pendant les Audi Days, vous allez être surpris. Surpris par les conditions exceptionnelles sur l'Audi A1. Surpris par son tempérament et son agilité en ville. Et surpris par la technologie unique PJR, qui signifie « passe-moi, je rêve ». Pendant les Audi Days, profitez des conditions sur toute la gamme jusqu'au 22 octobre. Comme l'Audi A1 Limited Edition à partir de 13 990 euros ou 129 euros par mois en personal lease. Infos et conditions sur audi.be et chez votre distributeur Audi. Aujourd'hui, on peut tout faire en moins de 2 minutes. Moi, en 2 minutes, j'ai inscrit Thomas au foot, rencontré la nouvelle copine de Jules et demandé à Chloé de ranger sa chambre au moins 15 fois. La STIB prend votre temps au sérieux. Grâce aux automates Go, renouvelez l'abonnement scolaire de vos enfants en moins de 2 minutes. Bruxelles, c'est nous tous. La STIB. Mais chérie, mais ça fait déjà 5 fois que tu rates la sortie. Tu le fais exprès ou quoi? Mais non, pas du tout. On se sent tellement bien à bord du nouveau Citroën C4 Picasso, bénéficiant du Citroën Advanced Comfort avec navigation connectée et Pack Lounge. Venez le découvrir dans nos points de vente et profitez en septembre de nos conditions exceptionnelles sur toute la gamme. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Le Brabant Wallon présente... Le saviez-vous ? Septembre est idéal pour semer ou entretenir votre pelouse et novembre pour planter haies et arbustes. Si vous ne connaissez pas votre sol, alors demandez une analyse. Pour moins de 13 euros, le Centre provincial de l'agriculture et de la ruralité s'en charge et vous donne des conseils. Info brabantwallon.be. Le 8-9. Le 8-9 va à Tournai. Salut Jean-Michel. Salut, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Et il paraît que vous êtes pêcheur, vous pêchez où dans la région de Tournai? Ah, dans les canaux du centre, dans les étangs, les scots. Vous prenez quoi? Bah, des stupéfiants. Ah, du plaisir. Pas de poisson, que du plaisir. Ah, c'est bien ça, le pêcheur qui prend que du plaisir, et pas de poisson. Est-ce que vous avez déjà au moins pris une fois un poisson dans votre vie? Ah oui, quand même. Au magasin? Quand même, oui, une fois. Bon. Est-ce que vous avez une cabane du pêcheur? Forcément. Oui, elle est au fond du jardin. Et évidemment. Jean-Michel, on verra si le cadeau est une canne à pêche dans un instant. Qui qu'a dit, vous pourrez choisir l'aide d'une seule personne autour de la table. Qui qu'a dit, j'ai besoin d'une scène, d'un stylo, d'une guitare et d'une mélodie, ça remplit ma vie. J'ai besoin d'une scène, d'un stylo, d'une guitare et d'une mélodie, ça remplit ma vie. Qui a dit ça? Grand Jojo, qui a toujours besoin de mélodies. Hervé Villard, qui a su nous enivrer bon sang avec ses mélodies. Ou Marc Lavoine, séducteur, qui sort Les Souliers Rouges, un nouvel album avec Cœur de Pirate et Arthur H. À votre avis, vous pouvez choisir l'aide soit de Jérôme, soit de Julie, soit de Sarah. Vous voulez qui? Eh ben, je vais prendre Julie, la spécialiste musicale. Of course. Ouf. Alors Julie, qui qu'a dit? C'est difficile aujourd'hui. Hein. On ne peut pas toujours être spécialiste de tout. Hein. Bon, allez. On ne peut pas se tromper mille fois sur une question. On ne peut pas se tromper mille fois. Mais je pense, mais peut-être que je me trompe, que c'est Marc Lavoine parce qu'en plus il est en promo en ce moment, etc. Mais sincèrement, si j'étais vous, je ferais confiance. Je ne l'écouterais pas. Jean-Michel, vous êtes libre de suivre ou pas suivre. Vous me dites... Allez, je suis Julie, Marc Lavoine. C'est une bonne réponse. Ouf, ah voilà, on a pris du plaisir. Hein. Voilà. Vous n'avez jamais eu de poisson, mais grâce à nous, vous aurez 4 invitations pour le parc Belleward avec toute la famille. Ah, sympa. Super, merci. Cool. Ah, c'est chouette et comme il fait beau, il y a des trucs aquatiques, là, vous en profiterez si vous foncez. Jean-Michel, quel est le mot que vous imposez à Jean-Luc Fonck? Alors, le mot condensateur. Pourquoi? Comme ça, parce que c'est un composant électronique et que j'étais de dernière minute, j'ai dû trouver un mot. Ah bah, vous avez raison. Moi aussi, quand je m'embête, je pense composant électronique. Vous n'aviez pas un magazine érotique sous la main, par exemple. C'est clair. Bon, Jean-Michel, on vous embrasse. Pêchez bien, tournez. Bye bye. Est-ce que je peux juste passer un petit bonjour à Jérôme, qui était mon parrain lors du concours des chroniqueurs des enfants de cœur? Oh, parrain. Mon Dieu. Faites une baise à part. Le prénom, c'est Jean-Michel. Jean-Michel. Mais bien sûr, c'est Jean-Michel. Voilà. Mais bien entendu, Jean-Michel, on s'appelle, on se faxe. Je fais quelque chose. On n'y croit pas. Allez, non, mais c'est vrai, mais je vois très bien. Non, mais bien. Ouais, alors visiblement, aller faire des choses aquatiques. Ouais, c'était pas un concours de théâtre, visiblement. Vous l'avez non, mais vous avez. Bon, attendez. Jean-Michel, salut. On va vers l'actu musicale dans une seconde. L'Union Saint-Gilloise joue cette semaine au Stade Roi-Baudouin une rencontre de Proximus League. Fidèles supporters, sympathisants ou tout simplement amateurs de football, n'hésitez pas à venir encourager les unionistes pour ce match capital. Toutes les infos sur www.rusg.be avec le soutien de Viva Bruxelles. Vivacité présente 500 échoppes, marché aux fleurs, concours d'animaux, brocante et braderie, concert de Mister Cover. L'ambiance sera à la fête ce 13 septembre au marché annuel d'Anderlecht, place de la Vaillance et alentour. Ce 13 septembre, c'est la fête à Anderlecht. Mitsubishi chez Renversante, condition septembre en. Vous voulez dire en septembre, condition renversante chez Mitsubishi? Ça c'est. Ok, d'accord. En septembre chez Mitsubishi, condition renversante sur toute la gamme. Mon collègue Patrick m'a invité chez lui il n'y a pas longtemps. Et c'est parti, salut. C'était vraiment bizarre. Je te sers un petit apéritif. Magnifique. D'ailleurs, tout le monde trouve ça bizarre. Et les enfants, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Allez, c'est vrai quoi, ne pas chauffer sa maison au gaz, c'est quand même bizarre. Ok, sa rue n'est pas connectée au réseau de distribution, mais alors t'appelles Primagaz, comme tout le monde. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200 euros et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où le voulez. Vous souhaitez gagner une nouvelle plaine de jeu pour votre commune? Rapportez toutes vos piles usagées dans un point de collecte Bébat de votre commune entre le 1er et le 30 septembre. Si votre commune collecte le plus de kilos par habitant, cette nouvelle plaine de jeu Bébat sera pour vous. Pour plus d'infos, regardez vite sur bébat.be. Bébat! Recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. Jusqu'à 9h, le 8-9. Parrain! La Quig. Encore. Oui, filleul. Encore. Il me regarde avec un air méchant. Pas mal d'élèves sans école. Comment rebaptiseriez-vous le décret inscription? Michel Thérèse Cruel nous propose après Martine à la montagne, à la plage, voici Marie-Martine et ses copains à la rue. Benoît Demain, choix belge et tais-toi. Joli. La Quig du jour, comment légenderiez-vous le retour de Nabila à la télévision française? Ah, ça c'est un événement. À commenter évidemment sur la page Facebook du 8-9. Ça reste de l'inintérêt général. Bien sûr, donc soyez inintéressant. Au possible. Page Facebook du 8-9. Et si vous êtes sur vivacité.be, la revue de presse, donc toute l'équipe qui commente les journaux de ce matin. Il est 8h55, Julie, l'actualité musicale de cette semaine et nous commençons par... Olivia Ruiz, ouais. La femme chocolat. Elle est de retour avec un album attendu en novembre, Mon corps, mon amour. C'est le premier extrait issu de cet album. C'est une valse sensuelle et bouillonnante. Écoutez. Ouh. Mon corps s'endort, mon amour, j'appelle tes mains à l'heure. Parfois mon corps se grippe, mon amour, sais-tu le risque qu'il en... Elle a mis un truc sur son nez ou c'est moi qui entends mal? Benjamin, elle a toujours eu cette voix. C'est mais d'ailleurs elle à force. Ça qu'on reconnaît Olivia. Hein. Mais vous savez, avec l'âge, les sinus se bougent peut-être un petit peu plus. Ah, ouais, c'est ça. On le dit très très peu. Oui, on le dit peu. Enfin bon, elle a travaillé donc sur son album qui sortira bientôt, mais elle n'a pas fait que ça parce qu'elle a aussi écrit et réalisé son premier court-métrage Où elle est maman, et elle travaille aussi sur une comédie musicale qui s'appellera Volver, et elle racontera l'histoire au travers de ses chansons d'une immigrée espagnole qui débarque en France. Donc on attend le tout avec grande impatience. Ouais. Et l'histoire dit qu'elle va refaire une tournée en 2017, donc on pourra peut-être l'applaudir près de chez nous. Sinus. C'est un bon titre. C'est le nom de la tournée. Vous saviez, Sarah, que le sinus se bouchait avec l'âge? Mais non, mais c'est Olivia Ruiz, moi ça m'a pas choqué. En tout cas, ma maman, elle a dû se faire opérer des sinus, on a dû lui cramer quelque chose, je sais pas trop quoi. Lui cramer. Comme quoi ça arrive. Mais alors il nous comme reste combien d'années devant nous? Parce que vous me faites peur avec votre non, truc. Enfin, mais dites donc déjà qu'on a perdu le double de votre âge. Enfin, alors. Ah, attends. Enfin, on en a une qui chante du nez et une qui chante de la gorge. Ouais. C'est Véronique Sanson. Elle a le sinus bouché, elle. Véronique Sanson qui sort un nouvel album. On l'attendait depuis 6 ans. Enfin, elle a pas chômé parce qu'elle vient de finir une tournée avec la compilation Les années américaines. Alors certains d'entre vous ont sans doute pu la voir. Mais Ding Dang Dong, c'est le nom de cet album qui sortira le 4 novembre. Et pour son retour, bah, Véronique Sanson, elle a choisi un peu la tristitude, vous savez, la triste attitude. Ouais. Et voilà, c'est une chanson hommage à sa maman et ça s'appelle Et je l'appelle encore. Et quand j'avais le goût des étincelles, que j'étais peine et puis rebelle, si j'avais toujours mes amours d'avant, parmi mes amis, mes amours et mes amants. Oh, j'adore, c'est Véronique Sanson. Avec l'âge, les amygdales se rigidifient. Non, non. Ouais. Véronique on devient nostalgique. Véronique Sanson, franchement, je l'admire depuis les années 70, même si je suis née bien plus tard. C'est elle qui va chercher des clopes et puis elle plante son mec et elle revient jamais. Exactement. Hein? C'est cette femme-là. C'est pour ça qu'elle est culte. Ouais. Mais vous saviez qu'en 2013, elle a participé à la première nuit de la déprime. C'était un événement organisé par Raphaël Mesrahi. Ah, oui. Ça s'est joué aux Folies Bergères et en fait, il avait réuni tout un tas d'artistes pour leur faire chanter leur tube le plus déprimant. déprimant. Et en fait, le but de la soirée, c'était de remonter le moral des gens. Mais c'était quand même sponsorisé par une célèbre marque de mouchoirs. Enfin, il y avait Véronique Sanson, il y avait Nolwenn Leroy. Son Patrick plus déprimant, Duel. C'était quoi? Celui de Véronique Sanson, bah, c'est peut-être amoureuse. Amoureuse, il est assez déprimant. Alors, ça raconte l'histoire d'une femme qui va tromper son homme. Et... Enfin bon. Mais je me souviens plus comment ça va, amoureuse. Ça allait comment? Une nuit, je m'endors. Ah oui, c'est celle-là. C'est celle-là. Oh, elle est magnifique. C'est et donc, son nouvel album contiendra 10 pistes avec un duo avec Zaz et Thomas Dutronc aussi à la guitare. Terminons par Lady Jaja. Lady Jaja qui a sorti un nouveau single. Gaga. Ça s'appelle. La grande Jaja. Et son boa. Et son boa. Ça s'appelle Perfect Illusion. Et voilà, c'est un morceau un petit peu électrique, passionnel, rock. Elle l'a fait en collaboration avec Mark Ronson. Écoutez. Et donc voilà, vendredi, pour fêter ça, elle a été en boîte à Londres, elle l'a chanté devant tout le monde, un petit peu les seins à l'air. Routine, somme toute. La routine. Mais voilà, c'était assez sympa pour les gens qui devaient être dans la discothèque. Ils n'étaient pas nombreux, mais en tout cas, ça avait l'air bien sympathique. En tout cas, le morceau est top, j'aime bien. Ouais, c'est pas mal, comment vous trouvez? Bien. L'illusion est parfaite, ça ressemble à tous les autres. Hein, donc, Oui, c'est vrai, en fait, ouais. Ça ressemble même un peu à Véronique Sanson, je trouve. Il y a quelque chose dans la voix. Et d'Olivia Ruiz. Je préfère Véronique quand même. C'est terminé, Olivia Ruiz. Monsieur Maréchal. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vada, m'ouvre-toi. Instagram, ouvre-toi. Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça. Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Donc attention Denis, on arrive à un âge où les sinus se bouchent. Vous avez entendu Julie, hein. Faites gaffe. Oui, j'ai entendu cela, je vais faire attention. Et... Okay. Je vais quand même essayer, malgré tout, de vous remonter le moral, puisque c'est au goût du jour, avec une météo estivale. On va même se permettre des records de chaleur aujourd'hui. 31 à 32 degrés sur le centre du pays, avec beaucoup de soleil. On a actuellement des nuages sur l'ouest, mais il y reste cantonné pour l'instant, et ce sera sans conséquence. 27 à 28 degrés sur les hauteurs. Et demain, on devrait encore connaître 1 degré de plus. Ce n'est que jeudi soir que l'on parlera d'orage. Et puis à partir de vendredi, on reviendra aux valeurs de saison, 19 à 22 degrés. Ici c'est Viva, il est 9h. Le journal, Sébastien Pierre, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et ce conseil, ne rangez pas les lunettes de soleil et la crème solaire, elles seront encore bien utiles aujourd'hui. Une nouvelle vague de chaleur traverse notre pays aujourd'hui et demain. Denis vient de nous le dire, jusqu'à 32 degrés ce mardi. Le record d'il y a 69 ans sera battu. Le plan chaleur est activé, mais la situation est moins critique qu'il y a quelques semaines. Ce niveau-ci est moins important que celui que nous avons connu au